allez-y, prenez la file. Pé, pé, pé, pé, pé, pé, venez au parking. Pé, c'est le pé de parking pour tous les gros camions qui vont dans les parkings. Allez-y, prenez la file. Pé, pé, pé, pé, pé, pé, venez au parking. Pé, c'est le pé de parking pour toutes les caravanes qui vont dans les parkings. Allez-y, prenez la file. Pé, pé, pé, pé, pé, pé, pé.